Bienvenue en 2030 Glorieuse, le podcast pour raconter les mondes de demain. Répète partout que demain est foutu, qu'il est trop tard et que nous n'avons d'autre choix que de limiter les dégâts. Et à force de l'entendre, nous avons fini par mettre nos rêves en pause pour devenir les simples gestionnaires de notre propre extinction. Pourtant, je reste convaincu d'une chose, l'avenir ne se gère pas, il se rêve. Cette année, on va travailler ensemble à redorer le blason de nos rêves pour en faire des stratégies. Alors bienvenue dans la communauté 2030 Glorieuse et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Ça y est, je parle vite parce que je suis content d'avoir un invité que je vais vous présenter, mais du coup je fais la petite intro rapide. Le podcast, il est soutenu par la NEF, c'est une banque éthique coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, la NEF, elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est la banque des 2030 Glorieuses qui de temps en temps d'ailleurs donne la parole à des personnes inspirantes et à Lyon. Petit teasing, elle avait justement animé une soirée conférence avec notre invité. Bon, attendez, je me remets sur l'intro. La NEF, elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires. Elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent. Et puis, surtout, elle est transparente parce que c'est bien la seule banque française qui publie l'intégralité de ses financements. Banque. D'ailleurs, on parle de banque. Notre invitée travaille dans un pays où il y en a plein de banques. Je continue avec le teasing. Elle m'a d'ailleurs, moi, la NEF, permis d'interviewer plein de gens hyper inspirants qui contribuent activement au 2030 Glorieuse. Je suis fier de la NEF comme soutien. Soyez aussi fier de votre banque en ouvrant un livret chez eux. Ça, c'était le petit instant promo, mais pour moi, ça n'en est pas parce que vraiment, je pense tout ce que je vous dis. J'ai fait un petit teasing. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être reconnu, je reçois un chercheur, entre autres, qui a décidé de s'attaquer à l'une des plus grandes croyances de notre époque, celle de la croissance économique infinie. Timothée Parikh, tu es économiste, spécialiste de la décroissance et tu es notamment l'auteur de Ralentir ou Périr. Bonjour déjà, Timothée. Bonjour. Alors que nos dirigeants, ils tentent désespérément de verdir un modèle qui repose sur l'extraction infinie, toi tu nous proposes une voie radicalement différente. Tu nous proposes une économie qui ne cherche plus à grossir, mais à s'épanouir dans les limites planétaires. On va en reparler. Ensemble, on va voir comment la décroissance, loin d'être un retour à la bougie, elle peut être la porte d'entrée d'un nouveau monde, peut-être même deux nouveaux mondes avec des S. Timothée, le podcast 2030 Glorieuse, cette année, il essaye de redorer le blason du rêve. Et donc, je pose cette question à toutes et à tous mes invités en entrée, en début d'interview. Moi, j'aimerais bien que tu me dises quelle est la place du rêve dans ta vie. Pourquoi je te pose cette question? Parce que j'ai l'impression que c'est un des biais de notre époque. On essaie de gérer l'avenir alors qu'on a besoin d'abord de le rêver. Et donc, c'est pour ça que je veux voir avec mes invités quelles relations ils entretiennent avec le rêve. À toi. Bon, alors moi, le rêve, c'est l'un de mes premiers facteurs de production. En ce moment, vu que j'écris un livre sur la thématique du post-capitalisme, donc c'est-à-dire les systèmes économiques qui pourraient à l'avenir remplacer le capitalisme. Et donc ça demande un rêve, mais rigoureux et organisé. C'est-à-dire que moi, je dois créer une expérience de pensée utopique où j'arrive justement à me projeter dans une économie qui n'a jamais existé, qui n'existe pas, pour pouvoir l'étudier comme si elle existait et revenir dans le présent avec l'expérience et l'étude de cette économie hypothétique en espérant justement que cet exercice de pensée devienne une prophétie autoréalisatrice et que justement de l'avoir imaginé, ça vienne muscler un petit peu notre désir et notre capacité aujourd'hui à créer un pont entre ce présent aujourd'hui dont on a du mal à s'échapper et ces nouvelles formes d'organisation économique qu'on pourrait tout à fait construire. Donc moi, je suis un petit peu payé pour rêver d'économie alternative. La chance. Ouais, c'est ça. Je me rends compte qu'on a plein de mots en commun. Et moi, d'ailleurs, je suis payé pour faire rêver les gens. Donc, tu vois, on est un peu dans cette idée-là aussi avec l'atelier 2030 Glorieuse. Tu as utilisé muscle, tu as utilisé prophétie autoréalisatrice. C'est vraiment des concepts avec lesquels on joue souvent, nous, avec les 2030 Glorieuses. Je suis vraiment heureux de te donner la parole et de t'entendre sur ces sujets. Tu viens de nous révéler, peut-être pas en exclusivité, mais que tu es en train de travailler à la suite de ton livre Ralentir, opérer. Et donc, ça va être un peu le fil conducteur, j'ai l'impression, de tout notre échange. J'aimerais quand même continuer sur cette idée de rêve personnel. Est-ce qu'on peut rêver de devenir chercheur en économie écologique, spécialiste de la décroissance et du post-capitalisme? Tu disais ça, toi, quand t'étais petit, c'était ton rêve? Non, c'était pas du tout mon rêve, hein. Moi, je voulais plutôt être paléontologue parce que j'étais vraiment fan de dinosaures. Et donc, après avoir regardé Jurassic Park une bonne vingtaine de fois, c'était vraiment mon désir. Je pense que cette passion pour la nature, alors bien sûr les dinosaures c'était une phase, mais ensuite il y a eu les requins et plus principalement les créatures marines, enfin plus généralement, et je me suis rendu compte quand même que bientôt il y aurait plus grand chose de naturel à étudier parce que justement on avait cette méga machine mortifère et écocidaire qu'on appelle couramment l'économie, donc j'ai reviré vers les sciences sociales pour pouvoir justement mieux comprendre ce système qui marchait aujourd'hui sur la nature. Et j'ai commencé par étudier l'économie, tout ce qu'il y a de plus traditionnel et classique, c'est-à-dire une économie où la nature n'existe pas. Ça, c'est pas une blague, c'est la manière dont on enseigne l'économie aujourd'hui. Et là, on se rend compte que c'est pas un hasard si la plupart des gens, en fait, n'ont pas de sensibilité à l'environnement. Et plus précisément, si la plupart des gens qui ont des positions de pouvoir, que ce soit un ministre de l'économie, que ce soit la PDG d'une entreprise, et j'en passe, en fait, ces personnes ont eu une formation, une éducation où la nature est évacuée des équations économiques. Et donc, ces personnes, structurellement, dans leur vision du monde, en fait, la nature n'existe pas. Et donc, moi, j'aime bien dire souvent que avoir une responsabilité économique sans sensibilité écologique, c'est un peu comme conduire avec les yeux bandés. Rarement, ça se termine bien. Et donc, aujourd'hui, on a ça, on a toute une caste dirigeante qui, malheureusement, conduit l'économie avec les yeux bandés, sans voir la nature qui, en fait, accompagne et prédétermine toute forme d'organisation économique. Donc, moi, au fil des années, ça m'a amené à essayer de mieux comprendre le lien entre économie et écologie. Et c'est vrai que j'arrive à un emploi rêvé. Enfin, là, je fais juste un petit peu la promotion de la recherche. Enfin, quand j'ai commencé à faire mon doctorat, les gens me disaient « Oh, mais un doctorat, c'est horriblement difficile. Pourquoi est-ce qu'on se lancerait dans cette expérience ?» Et d'ailleurs, on a souvent, tu sais, la justification qu'on devrait être très bien payé quand on a bac plus 9, bac plus 12 ou je sais quoi, tu vois, que ton salaire devrait... Alors que un doctorat, en fait, t'es payé avec de l'argent public pour lire des livres pendant 4 ans. Donc, c'est un petit peu des vacances d'une certaine manière, tu vois, c'est pas désagréable du tout. T'es payé pour lire des livres, discuter des livres que tu as lus et ensuite écrire toi-même un travail de recherche. Donc, c'est quand même assez chill. Ça permet aussi de... un mécanisme de formation en fait d'un esprit critique et utopique, donc ça c'est vachement important. Et après là de pouvoir continuer à travailler sur ces sujets, c'est quand même un privilège dans un contexte où quand même faire de l'économie hétérodoxe, de l'économie écologique et plus spécifiquement travailler sur des sujets très brûlant comme la décroissance ou le post-capitalisme, ça, il y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à et c'est très malheureux, avoir des financements pour pouvoir travailler sur ces thématiques, alors que pourtant, ce sont des thématiques on ne peut plus urgentes. Tu sais, nous, avec les 2030 Glorieuses, on imagine les mondes de demain. Et là, cette année en particulier, on se rend compte que c'est très, très difficile pour l'association d'exister. Et de temps en temps, je ressens cette injustice de me dire, mais en fait, on devrait être presque remboursé par la sécurité sociale, nous, tellement on fait du bien aux gens qui participent à notre atelier, on les met en mouvement, on fait de la vraie politique, vraiment de la politique du pour. Et en fait, on galère. Donc, tu vois, le monde, il est injuste en ce moment, mais aussi, c'est pour pour ça qu'on lâche rien. J'ai quand même, tu parles d'économie comme une science, ça fait quelques fois tu fais le lien entre les deux. Si j'ai envie d'être un peu, je sais pas, poil à gratter, moi j'ai l'impression qu'à un moment, je me suis rendu compte que pour nombreuses personnes, l'économie, c'était en fait une religion. Je te ramène, on était aux marches pour le climat 2018. Je ne sais pas si tu te souviens de l'affaire pour tous, de l'affaire du siècle, pardon, de notre affaire à tous, avec du coup des centaines de milliers de signataires qui attaquent l'État en justice pour inaction climatique. François de Rugy, alors ministre de l'écologie de l'époque, propose à quelques centaines de ses signataires de se retrouver pour un débat. Organiser une soirée. Et lui, en fait, à un moment, il nous dit, ouvrez les guillemets, moi, je ne crois pas à la décroissance, je crois à la croissance et à notre capacité à faire en sorte que tout le monde en profite. Et il est revenu, tu vois, deux fois sur cette idée de croyance. Et c'est pour moi le moment, le point de bascule où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout une science, l'économie, en tout cas l'économie comme elle est appliquée mondialement, mais vraiment une religion. Est-ce qu'en fait, tu vois, c'est pas juste la preuve de notre panne d'imagination collective, d'être incapable de concevoir qu'une entreprise, un pays puisse être en bonne santé sans croître, qui vraiment devrait nous occuper? Bah, alors, il faut différencier deux choses. En anglais, c'est vrai qu'ils ont deux mots différents pour dire l'économie comme sphère réelle, donc économie, et l'économie comme discipline universitaire, donc economics, ce qu'on appellerait les sciences économiques. Et donc là, moi, quand je parle des sciences économiques, c'est un tout petit sous-domaine des sciences sociales. Donc, en gros, les sciences économiques, c'est quoi, hein? C'est un peu de la sociologie des comportements économiques, enfin un mix de sociologie, de psychologie, d'histoire, c'est une science sociale, c'est essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans cette sphère que l'on considère comme économique, ce qui se passe sur les marchés, dans les réseaux d'entraide, autour des formes monétaires, des régimes de propriété de production, qu'est-ce qu'on considère comme une ressource, comment est-ce qu'on organise la distribution d'une richesse, qu'est-ce qu'on considère comme une richesse, comment est-ce qu'on accorde de la valeur aux choses. Donc toutes ces choses-là, en fait, on vient mobiliser des concepts en sciences sociales pour arriver à mieux comprendre. Ça, en ce sens-là, bon, c'est pas une religion, c'est juste une discipline d'étude comme une autre, même si il y a eu quand même des dérives. Donc, tu m'as entendu plutôt parler d'économie hétérodoxe. Et donc, quand je parle d'économie hétérodoxe, je parle de science économique hétérodoxe, ce qui veut dire qu'il y a une science économique qui n'est pas hétérodoxe, qu'on appelle la science économique orthodoxe, qui fait référence en fait à une manière particulière de faire de l'économie. Et c'est celle où je disais, on apprend l'économie à l'université comme déconnectée de la nature. Ça fait référence donc à l'économie orthodoxe, à un cadre théorique qui est celui de l'économie dite néoclassique, qui justement est une façon particulière de voir l'économie, une façon que je trouve assez désuète et pas très convaincante, alors qu'il y en a d'autres, l'économie marxiste, l'économie post-keynésienne, l'économie écologique, l'économie féministe. Donc moi déjà, mon premier cheval de bataille, c'est pour le pluralisme au sein des sciences économiques, pour ne pas s'enfermer en fait dans une vision de l'économie qui serait trop étroite. Ensuite, tu as complètement raison, dans l'économie réelle, on a cette espèce d'obsession pour l'économique. Alors il y en a qui parlent d'économisme. Donc l'économisme, c'est exactement ça, c'est l'économie qui devient religion, dans le sens où l'économie n'est plus un sous-domaine de la société, mais est plutôt le domaine le plus important qui va prendre des décisions pour le reste. Donc par exemple, on pourrait se dire, la santé, la culture, toutes ces choses-là, quand on se dit, on voudrait bien arrêter de travailler plus tôt, on voudrait bien pouvoir garantir une alimentation pour toutes, on voudrait bien pouvoir financer plus de logements sociaux, mais on peut pas parce qu'on n'a pas les sous. Là, quand on dit ce genre de truc, ou même quand on dit on aimerait bien faire transition écologique pour faire baisser nos pressions sur l'environnement et préserver les écosystèmes et éviter de se retrouver sur une planète en feu comme dans Mad Max, mais on peut pas parce que ça va faire ralentir la croissance. Là, en fait, c'est une inversion des sphères où on se dit la sphère la plus importante, c'est la sphère économique, et ensuite la nature ou la société, ce ne sont que des sous-domaines de l'économie. C'est ça l'économisme. C'est cette vision du monde et cette façon de se comporter qui place l'économie comme sphère suprême de l'organisation sociale. Voilà, l'économisme, cette religion de l'économie, elle a plusieurs sous-mentalités, Donc, le consumérisme, donc là, de se dire, ah bah tiens, là, au lieu d'avoir une logique, en fait, de satisfaction des besoins assez simple, de dire, ah bah tiens, j'ai un besoin insatisfait, je le satisfais et ensuite je suis bien. Eh ben non, on a cette logique avec la publicité, l'obsolescence programmée, où ils font constamment consommer de plus en plus. Donc là, on voit, c'est mettre la consommation au service de la croissance économique. Ça, c'est un économisme. Et de la même manière que le consumérisme est une mentalité économiciste de consommation, le productivisme est une mentalité économiciste aussi. Donc là, de se dire, au lieu de voir les entreprises comme une simple organisation collective de la satisfaction des besoins, ou quand il y a un besoin insatisfait, bon bah, on se met une déterre, on crée un collectif, on construit ce qu'il y a à construire, on fabrique ce qu'il y a à fabriquer, et ensuite on est bien. Eh ben non, là on a cet aspect aussi productiviste de se dire, non, on va mettre en forme une entreprise à but lucratif, et son objectif, c'est de maximiser les profits quoi qu'il arrive. Donc là, encore une fois, c'est une dérive économiciste d'une organisation économique qui pourrait être en fait non capitaliste. Donc moi, l'économicisme, je le rattache vraiment à cette domination des valeurs financières. Tu sais, en sociologie économique, on parle souvent de cette grande hiérarchie entre trois types de motivations quand on se pose la question de pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font. Grande question de sociologie. Et pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font quand ils se comportent dans la sphère économique? Eh ben, on dit qu'il peut y avoir des motivations financières, des motivations sociales et des motivations morales. Donc voilà, moi si par exemple tu me dis « Ah bah tiens Timothée, viens participer au podcast, je te donnerai 1 million d'euros. » Bon, si avant je voulais dire non, mais que pour les 1 million d'euros je dis oui, on va dire que voilà, j'ai été motivé par une motivation financière. Là, c'est pas le cas. Ce qui m'a motivé plus, c'est une motivation, on va dire, sociale. Je me dis que c'est chouette de participer, c'est chouette de créer un contenu qui va aider les gens, comme on l'a dit, à éduquer leur désir pour des économies alternatives. Et peut y avoir aussi des motivations morales, voilà, qui expliquent que certaines personnes, par exemple, eh ben, ne mangent pas d'animaux parce que ils ont une certaine sensibilité et ils se sentiraient coupables de manger un animal même si personne les voyait, même si c'est pas interdit par la loi et même s'il n'y a pas de motivation financière. L'économisme, en fait, c'est quand on a les valeurs, les motivations financières qui commencent à pervertir les motivations sociales et les motivations morales. Tu vois, de se retrouver confronté, par exemple, à devoir raser une forêt, pour, je sais pas, aller construire une autoroute inutile, mais juste parce que, en fait, l'autoroute inutile va rapporter de l'argent à des investisseurs privés. Donc là, c'est clairement une motivation financière qui va venir corrompre une valeur morale ou même une valeur sociale quand on a un peuple qui est très, très clairement contre. Là, je fais référence à la lutte de la 69. Donc voilà, l'économisme, c'est la domination, on pourrait dire aussi l'hégémonie, des valeurs financières dans l'organisation sociale. Moi, j'hésitais presque au début de l'interview, Timothée, à te présenter presque un peu comme une sorte de, je ne sais pas si c'est philosophe, mais j'ai l'impression que tu oses aller sur une conception un peu plus atterrie de notre économie. Et j'avais envie de t'entendre à ce sujet. Souvent, quand on fait le début des voyages en 2030 glorieuse, l'atelier, on a une introduction de début, presque une sorte de méditation. Et on parle de l'époque en 2030 glorieuse, quand notre humanité a réussi enfin à accepter de faire preuve d'humilité, de se remettre à l'intérieur des services, à l'intérieur des limites planétaires, de reprendre sa place parmi le vivant duquel elle fait partie. J'ai l'impression que toi, tu dis accepter des limites, c'est aller vers plus de libération, là où les autres nous disent que la liberté, ça passe par le fait de n'en accepter aucune. Et donc, j'ai l'impression que tu tournes un peu autour de ces concepts philosophiques. Tu vois où je veux en venir ou pas? Tout à fait, complètement. Et ça me fait penser à un très beau livre de l'économiste grec Yorgos Kallis, qui a écrit un livre justement philosophique sur les limites, qui a été traduit en français sous le titre « Éloge des limites ». Alors, « Éloge des limites », ça paraît un petit peu bizarre, surtout pour quelqu'un comme Yorgos Kallis qui travaille en écologie politique et beaucoup sur la décroissance, où justement on pourrait attendre à cet argument de se dire « Bon, on a des limites planétaires, donc des budgets écologiques limités. On aimerait bien pouvoir faire une infinité d'activités économiques, mais non, il va falloir se serrer la ceinture pour ne pas casser la nature. » Là, on pourrait se dire, donc quand je dis ça, ça veut dire il va falloir sacrifier notre qualité de vie, il va falloir vraiment vivre un peu misérablement juste pour pouvoir continuer à vivre de manière stable dans une planète qui reste habitable. Pas du tout, nous dit Yorgos, et moi je suis complètement d'accord avec lui, parce qu'il développe toute une philosophie des limites basé sur des précurseurs avant lui, notamment André Gortz et Cornelius Castoriadis, où la limite, en fait, c'est, on va dire, l'ingrédient de base de l'organisation sociale. Et même, en fait, c'est l'absence de limite qui devient, en fait, une absence de liberté. Et l'exemple qu'il donne Yorgos Kallis au fil du livre, c'est celui du piano. Enfin, le piano, c'est quand même un instrument extrêmement limité parce qu'il n'a que 88 touches depuis plusieurs siècles. On joue du piano avec 88 touches. Mais de ces 88 touches, de la finitude des touches, nous arrivons à extraire une infinité de mélodies. Alors que si, imagine, on avait, de par le progrès technique, une croissance de 3% du nombre de touches sur le piano chaque année. Donc 3% par an, ça veut dire que toutes les générations, toutes les 25 ans, on aurait un doublement du nombre de touches du piano. Et c'est-à-dire qu'après des siècles, je te laisse imaginer, on aura un piano en fait avec tellement de touches que ça prendrait des kilomètres de touches, ça serait complètement incapacitant, on ne pourrait plus en jouer, et d'ailleurs on n'aurait plus l'occasion parce qu'on passerait tout notre temps à extraire des ressources pour fabriquer ces pianos qui feraient plusieurs kilomètres de long. Et ça, c'est un beau symbole parce que ça montre bien que les êtres humains en fait sont des êtres de, on dit de satiation, pas de maximisation. C'est-à-dire que on n'a pas des besoins qui sont illimités, où chaque année j'ai besoin d'avoir une augmentation de 3% du nombre de vélos dans mon garage. Non, c'est on passe de besoins insatisfaits, zut, je n'ai pas accès à un vélo pour aller de A à B, à très bien, j'ai réussi à avoir accès à un vélo, je suis satisfait. Et donc, cette logique de l'illimité, de la croissance infinie exponentielle où on va chercher justement à avoir plus, bon, déjà, elle ne correspond pas à la logique de satisfaction des besoins, mais surtout, elle est contre-productive parce qu'au bout d'un moment, on a ce qu'on appelle bon, bah, des limites sociales à la croissance, à commencer par celle des heures de travail. C'est-à-dire, personne n'a envie d'être forcé. Enfin, moi, je préfère travailler moins que de devoir produire, faire des semaines de 50 heures juste pour qu'on ait chacun 18 vélos dans notre garage et des pianos à 16 milliards de touches, alors qu'en fait, c'est contre-productif dans le sens où on n'en a pas besoin. Et même au bout d'un moment, c'est un problème. Les 18 vélos dans mon garage, je ne saurais même plus où les mettre, ça va être chiant. Donc le but, c'est de se dire, voilà, on s'organise pour produire ce qu'il faut, et quand on arrive à être plus efficace, on libère du temps libre. Et donc là, on voit un petit peu cette auto-limitation au niveau des besoins et des manières de le satisfaire. C'est un outil de liberté car cela libère du temps. Alors André Gortz dirait du temps autonome, du temps véritablement libre, c'est-à-dire que du temps qui peut être passé à faire ce qu'on veut, à jouer du piano, à fabriquer un piano, même des activités productives, mais c'est un temps qui est auto-déterminé. Et l'autre limite, bien sûr, c'est celle écologique. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas les ressources de toute manière pour produire des pianos de cette taille-là. Donc l'auto-limitation, moi je suis un peu entre ces deux champs. C'est-à-dire que de temps en temps, en fonction, quand je parle à des gens, à des ingénieurs ou des gens qui sont, on va dire, qui n'ont pas un appétit très marqué pour la philosophie, j'ai un peu tendance à leur dire, bon voilà, il y a des limites planétaires, on a des budgets écologiques, vous avez l'habitude de faire de la rigueur budgétaire, hein. Par exemple, bah voilà, si tu es payé 2 300 € net par mois et tu dépenses 6 500 € par mois, au bout d'un moment, ta banquière, elle va t'appeler, elle va dire, là, il y a un problème. Bon, bah, la rigueur écologique, c'est la même chose. On a des budgets écologiques, il y a une biocapacité limitée des écosystèmes, il faut la respecter, sinon tu casses ton écosystème et ensuite tu peux plus faire fonctionner ton économie. Mais j'ai un peu l'impression, quand je fais ça, de faire un shortcut, tu vois, c'est un raccourci qui me dérange un peu parce que en bon représentant des sciences sociales, je pense quand même qu'on a besoin d'aller au fond des problèmes et ça demande de faire un peu de philosophie et de réfléchir à pourquoi, même si on avait des ressources infinies, même si la nature était infiniment résiliente, pourquoi est-ce qu'on chercherait à obtenir cette croissance exponentielle si, justement, en fait, ça ne nous rend pas plus heureux et plus libres? Est-ce que toi, t'arriverais à dire, Timothée, quel est le... Je ne sais pas si c'est un trait de caractère, je ne sais pas si c'est une éducation que tu as reçue, un moment charnière, dont tu te rappelles peut-être, qui a fait que pour toi, la liberté, justement, le bonheur, tu as utilisé ce mot, bah, c'était de vivre sous contrainte, de vivre cette limite et même de l'accepter, de la transcender. Tu te rappelles, toi, de ce moment où, je sais pas, le bouton est passé sur « on » ? Je sais pas, je me suis posé la question. Je pense pas qu'il y ait eu un moment. C'est toute une question, bien sûr, d'acculturation, la famille dans laquelle tu grandis, les cercles familiaux, l'éducation, l'école, les médias de l'époque, les films que tu regardes, les livres que tu lis, toutes ces choses-là. Mais moi, je me souviens quand même très tôt avoir réalisé que la notion de liberté, c'était quand même quelque chose d'interpersonnel, on dirait maintenant en sciences sociales. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas juste quelque chose, on va dire, bah moi je suis libre, indépendamment comme ça, c'est en fait ma liberté va dépendre de ce que les autres en fait m'accordent. Donc c'est ça, c'est interpersonnel, c'est quelque chose qui se tisse entre plusieurs personnes. Et on dit souvent, voilà, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc voilà, c'est ce genre de dicton qui représente bien que la liberté c'est quelque chose de socialement construit et de socialement négocié. Et donc aujourd'hui, on va dire les franges les plus radicales du néolibéralisme et de l'anarcho-capitalisme qui défendent cette notion de liberté individuelle, par exemple qui prend la forme d'une liberté d'entreprendre, de dire voilà, une entreprise, si elle veut, a le droit d'aller creuser les fonds marins pour extraire des métaux et les vendre, parce que c'est la liberté d'entreprendre. Maintenant, on pourrait dire oui, mais si ça se fait aux dépens des écosystèmes marins qui sont sacrifiés avec des coûts déplacés sur des populations qui vont subir l'effet des dégradations écosystémiques, en fait, cette liberté d'entreprendre, c'est juste un transfert de capacité. Ça va, on va reprendre le concept d'Amartya Sen, de capacité, ça va augmenter la capacité du riche actionnaire qui va s'enrichir, qui pourra faire plein de trucs, acheter des villas dans des endroits cool, payer des écoles privées à ses enfants, faire toutes sortes de choses. Donc les capacités de cette minorité possédante va augmenter, mais en diminuant les capacités d'autres groupes de personnes, notamment les plus pauvres, notamment dans les pays du Sud, qui eux, en fait, vont se retrouver dans une situation où il sera plus difficile de se loger, de se nourrir, de travailler, de se déplacer, d'être heureux, parce que justement, ils vont devoir pâtir de toute la richesse négative, des nuisances, des externalités écologiques produites par ce processus de production. Donc moi, je pense que ce discours de la liberté individuelle, de la liberté d'entreprise, de la liberté d'entreprendre, c'est une vision très naïve de la liberté. J'aimerais bien t'entendre, et c'est la dernière question de cette partie, ça passe vite, on aurait pu dire 10 000 trucs, mais en fait, 10 000 choses, mais j'aimerais plutôt qu'on les développe quand on sera ensemble en 2030 glorieuse. Mais j'ai la dernière question de cette partie qui est toujours un peu sur l'idée de pouvoir murmurer un rêve à l'humanité. Moi, j'aimerais bien même savoir ce que tu murmurerais comme rêve à l'oreille de chaque dirigeant, dirigeante économique et politique, à tous les ministres de l'économie du monde ce soir, tu vois, tu leur murmurerais. Murmurer quoi comme rêve, toi, Timothée? D'un côté, et j'ai retrouvé ça dans le titre de mon livre, Ralentir ou périr, qui est une sorte de pédagogie des catastrophes, de murmure, de dire attention, il va falloir ralentir parce que sinon, on va se retrouver dans une situation horrible. Mais je pense aussi qu'il y a une véritable sagesse dans le ralentissement, la lenteur, l'équilibre, ce que le philosophe allemand Hartmut Rosa appellerait la résonance, de faire ça pour mieux vivre. J'aurais très bien pu dire ralentir aussi pour mieux vivre. Et donc moi, mon murmure, ça serait ça en fait. Aujourd'hui, on a besoin de se poser une question très fondamentale sur pourquoi est-ce qu'on s'acharne si rigoureusement à produire et consommer plus. On se retrouve enchevêtré dans un système où les entreprises, en fait, doivent constamment augmenter leurs marges pour ne pas disparaître, où les consommateurs se retrouvent forcés de protéger, quoi qu'il en coûte, leur pouvoir d'achat pour pouvoir continuer à vivre, où les gouvernements, en fait, doivent protéger leurs recettes fiscales et leur produit intérieur brut afin de ne pas faire l'expérience d'un effondrement économique. Donc on se retrouve enfermé dans un système qui est devenu complètement contre-productif. et où malheureusement, on ne prend plus la peine de se poser des questions. Voilà, vraiment, est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que, enfin, cette question qui est un petit peu bête, tu sais, quand tu grandis, on te demande, ouais, tu voudras faire quoi comme métier quand tu seras plus grand? Tu voudras parler quelle langue? Tu voudras habiter où? Tu vois, c'est les trucs classiques. On ne demande jamais dans quelle économie tu voudras vivre. Ça, c'est prédéterminé pour toi. Ça sera le capitalisme d'aujourd'hui. Sorte un petit peu de summum de l'évolution darwinienne des systèmes économiques, censé représenter la fin de l'histoire, le meilleur de tous les mondes possibles. Alors que, pas du tout. En fait, aujourd'hui, on a oublié. Donc, moi, j'aimerais bien leur murmurer à toutes ces personnes qui ont un peu tendance à prendre des décisions en mode pilote automatique de gouvernance économique. Eh ben de socratiser un petit peu leur rationalité pourquoi est-ce que j'achète ces trucs alors qu'en fait ça me rend pas heureux, et de s'acheter ces trucs ultra chers que j'achète parce que j'ai vu une pub inconsciemment qui m'a convaincu que si je les achetais, les gens allaient m'aimer, je dois travailler plus d'heures ou accepter un travail qui n'est pas du tout en adéquation avec mes valeurs, mais juste pour avoir le pouvoir d'achat qui me permet d'assouvir cette consommation qui m'a été murmurée par la publicité ou imposée par l'obsolescence programmée, alors qu'en fait, j'aurais préféré travailler 3 jours par semaine, pouvoir passer le reste du temps avec ma famille, à fabriquer des trucs, à faire pousser ma propre nourriture, à apprendre à faire du piano ou à lancer une chorale, ou à organiser un parti politique, ou à faire du théâtre, ou à juste prendre du bon temps. Pourquoi, en fait, est-ce qu'on se retrouve tous dans une situation de ce que les marxistes appelleraient de l'aliénation? C'est ce concept d'aliénation, il est fantastique. L'aliénation, c'est quand on a l'impression qu'on est piloté par une force extérieure. Tu sais, c'est la personne, l'amoureux des animaux, qui se retrouve forcé de travailler dans un abattoir parce que c'est le seul emploi disponible et qu'il faut bien payer son loyer. Et donc, même si toi, ton émission préférée, c'est 30 millions d'amis, et bah tu te retrouves à devoir découper des animaux toute la journée parce que c'est le seul moyen d'obtenir un salaire. Et là, en fait, c'est l'aliénation la plus totale. Et en fait, il y a plein de petites formes un petit peu insidieuses aujourd'hui d'aliénation que les gens commencent à remarquer, de se dire, en fait, quand je fais ça, je sens que c'est pas exactement ce que je devrais faire, tu vois, mais en même temps, j'arrive pas trop à comprendre comment est-ce que je pourrais faire ça différemment. En tout cas, je vois qu'on a les mêmes rêves. Tu parles de Jurassic Park, tu parles de 30 millions d'amis. Je suis en terrain connu. Je te partage quand même parce que j'avais envie de rentrer en résonance avec ce que tu viens de me dire. Je crois que je l'ai jamais partagé encore dans le podcast. Au moment où je travaillais en Colombie, donc j'étais là-bas avec la formule du volontariat de solidarité internationale, qui fait que tu pars travailler dans des ONG locales en étant, on va dire, indemnisé pour ton travail. T'as pas un vrai salaire. C'est pas tout le dérèglement dont on entend parler avec les ONG classiques, avec les per diem, les gros montants, les économies parallèles. Bref, tu te vis vraiment avec les gens et donc tu es un peu dans la même vulnérabilité économique, même si nous, en tant que Français, on appuie sur un bouton, on rentre chez nous parce qu'on prend un billet d'avion. Dès le lendemain, c'est pas la même chose. Bref. Et pour arrondir un peu nos fins de mois, pour nous permettre de voyager en Colombie, avec ma compagne, on faisait des petits boulots, quoi. Elle, de temps en temps, elle faisait de la figuration dans une série. Moi, je traduisais des documents. Et comme ça, je m'étais retrouvé à traduire des documents pour le mari d'Ingrid Betancourt, dont on parlait beaucoup à un moment. Franco-colombienne capturée par les FARC, et lui il venait nous voir un peu dans la maison où on habitait, il nous donnait ses documents, et à un moment je me rappelle vraiment de lui qui s'arrête, qui nous regarde et qui nous dit: il y a un moment dans ma vie où j'ai été heureux comme vous, c'est quand j'étais étudiant, qu'avec Ingrid on était encore fraîchement amoureux et que tout était possible. Et on s'est retrouvé pris dans le piège du toujours plus, à vouloir être comme les autres. On a réussi à être un peu plus riche et à se déplacer dans ce quartier, puis ensuite aller dans tel autre quartier, puis avoir une maison, puis arriver dans le quartier le plus riche de Bogota. Et ben en fait, figurez-vous qu'il y a toujours plus riche que soi et on ne gagne jamais cette course-là. Et en fait, en vous regardant, il nous dit ça. Je me rappelle que le moment où j'étais le plus heureux, c'est quand j'avais pas encore commencé cette course. J'entends un peu ça dans ce que tu me dis et je trouve cette anecdote belle et ça me donnait envie de la raconter. Mais c'est une magnifique anecdote et j'en profite juste pour dire que cette anecdote, elle reflète assez bien ce qu'on sait aujourd'hui des travaux en sociologie sur l'extrême richesse. Parce qu'on pourrait penser que, à partir du moment où t'es millionnaire, centimillionnaire ou milliardaire, tu vois, là, c'est vraiment une vie, mais pleine de, de liberté. Tu vois, c'est vraiment le vrai kiff. Tu peux faire ce que tu veux. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que ces personnes, quand on leur pose la question de combien auriez-vous besoin pour vous sentir en sécurité financière, en gros, grosso modo, ils disent toujours le double de ce qu'ils ont. Donc, si tu es au SMIC en France, ça va être le double du SMIC. Si tu fais partie des 10% des salariés les mieux payés en France, donc tu as un salaire, un revenu mensuel de plus de 3 500 € net par personne, bah ça va être d'être à 7 000. Si tu fais partie des 1% des personnes aux revenus les plus élevés en France, donc tu gagnes plus de 7 000, ça va être 14 000. Pareil pour le patrimoine, pareil pour tout. Donc là, il y a déjà cette espèce de chose où en fait, même là, on me racontait récemment l'histoire de quelqu'un qui rencontrait un milliardaire qui s'apitoyait en disant « Mais moi, tu sais, je suis pas riche. Moi, je suis un monomilliardaire. Je n'ai qu'un milliard. » Et donc, c'est vraiment être un monomilliardaire, c'est vraiment si c'est la classe populaire des ultra-riches. Et donc, on se rend compte que cette logique de ce qu'on appelle de positionnalité, donc de différenciation sociale, eh ben, elle agit à tous les niveaux. Donc, quand tu te compares à ton voisin et que tu dis purée et tout, lui, il a 2 sonnettes sur son vélo, moi, j'en ai qu'une. Eh ben, c'est la même manière qu'une personne va dire, bah, mon voisin, il a 14 Maserati alors que moi, j'en ai que 12. Donc, c'est des mécanismes humains assez basiques. Et une autre chose, ça me fait penser à une étude que j'aime beaucoup d'une infirmière australienne qui, pendant 30 ans, suivait des patients en fin de vie en leur posant toujours la même question, qu'est-ce que vous regrettez? Et donc, elle avait fait cette espèce de liste, tu vois, du regret. C'était justement le titre de son livre, les regrets des mourants. Et donc, elle avait parlé à une diversité de personnes, des ultra-riches, des riches, des pauvres, des ultra-pauvres, des hommes, des femmes, de toutes les ethnies, de tous les pays possibles. Et en fait, les 5 regrets principaux, tu vois, c'était des trucs classiques, genre je regrette d'avoir trop travaillé, de pas avoir assez passé de temps avec mes enfants, ma famille, de pas être plus tombé amoureux, de pas avoir suivi mes rêves. Enfin, de faire tous ces trucs, en fait, où on se rend compte, c'est un petit peu l'essence de ce que ça veut dire d'être humain et l'essence du bonheur, quoi, qui sont plus liés à des choses immatérielles, spirituelles, culturelles, politiques, scientifiques, et personne n'était dans son lit mourant à dire « Putain, mais si seulement j'avais vraiment 2 ans de plus pour pouvoir gratter encore plus de fric, pour pouvoir vraiment doubler l'argent sur mon assurance-vie. » La 14e, la 15e Maserati, on l'attend. Ou pareil, tu vois, de se dire « Mais moi, tu vois, sur mon lit de mort, je me dirais « Mais moi, franchement, j'ai bien contribué au PIB. Ça, je pars sans regret avec une vie où j'ai bien contribué à la valeur ajoutée nationale. » Non, pas du tout, en fait, parce que le chiffre du PIB et tous les indicateurs financiers, en fait, ne reflètent pas du tout les aspirations premières des êtres humains. Et là, je reviens, pardon, avec ma dernière référence en histoire de la pensée à quelqu'un qui, moi, à l'époque, j'avais trouvé assez stimulant quand j'étais en licence, c'est Adam Smith, le philosophe écossais du 18e siècle, considéré par beaucoup comme le père fondateur des sciences politiques, ou ce qu'on appelait à l'époque plutôt l'économie politique. Adam Smith, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « La théorie des sentiments moraux », donc avant de publier sa grande traîtrise sur la richesse des nations, donc son livre d'économie. Oui, en gros, il expliquait en bon philosophe, il se posait la question, en fait, que veulent les gens? Et en fait, c'est des trucs assez simples. Adam Smith, les gens, ils veulent être aimés par les gens qu'ils aiment. Boom, mic drop. En fait, c'est bon. Et tous les autres trucs qu'on a, c'est des phénomènes où, en fait, d'insécurité, d'association, de respect, des choses qu'on peut faire de différentes manières d'une société à une autre. Il y a des sociétés, voilà, aujourd'hui, dans notre impasse un petit peu individualiste, consumériste, matérialiste, et ben on essaye d'exister et de défendre notre identité à travers le nombre de Maserati et le fait que t'es un crocodile imprimé sur ton t-shirt qui arrivera à te différencier d'autres personnes qui n'ont pas de crocodile imprimé sur leur t-shirt. Ou tu vois, ce genre de truc, t'imagines si c'était décrit par un anthropologue vraiment qui venait d'une espèce alien et t'essayais d'expliquer. Alors oui, nos classes sociales, il y a les gens supérieurs qui ont le crocodile sur la chemise. S'il n'y a pas le crocodile, par contre, ça veut dire que c'est une classe inférieur, et tu vois, les gens, ils seraient what the fuck. Donc, vous avez vraiment créé des classes sociales basées sur la présence d'un crocodile sur vos vêtements. Do you know Pierre Ninet? Pierre Ninet is the god of the crocodile. Je crois que c'est la phrase la plus improbable qui a jamais été prononcée dans ce podcast. Timothée, on s'arrête là. Écoute, on boucle cette première partie. On a été beaucoup trop long, on explose. Mais tout ça, de toute façon, on s'en fout. On est dans un podcast. Ma grand-mère, tu sais, Mamie Odette, elle disait, elle avait toujours ce genre de phrases un peu qui sont de la bonne sagesse populaire. Et elle me disait souvent, mais Julien, à quoi ça sert d'être le plus riche du cimetière? Et donc, c'est un peu dans la continuité de ton histoire. Timothée, on va marquer une page de pause, pas de pub. On va se faire une petite bulle là, comme ça, d'inspiration. L'invité nous propose toujours une lecture, un passage d'un roman idéalement pour donner à voir des valeurs qu'il aimerait, lui, qu'il aimerait voir se normaliser en 2030 glorieuse. Tu viens nous lire quoi, Timothée? Alors, je vais vous lire un passage d'un roman qui s'appelle Paresse pour tous, d'Adrien Clent, qui est sorti en 2021. Et avant de lire le passage, si c'est possible, je veux juste expliquer comment j'ai découvert ce livre qu'on m'avait envoyé à l'époque. Et j'essayais, c'était pendant l'écriture de Ralentir ou Périr, où j'essayais donc d'adapter un petit peu ce grand travail de thèse, ma thèse en anglais, 900 pages, économie théorique, c'était un peu laborieux d'essayer de transformer ça en un livre qui pouvait être agréable à lire. Et à un moment donné, on va dire que j'étais bloqué. Tu vois, genre, non seulement bloqué, mais en fait, j'avais passé tellement d'années à ressasser des trucs négatifs, une critique du présent, tu vois, que j'étais en burn-out, pas en termes de volume de travail, mais j'en avais marre, quoi. Je voyais plus, je me disais, tu vois, je me dis, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'écrire un livre sur la décroissance? Tu vois, ça sert plus à rien. Tu vois, je broyais un petit peu du noir, et je m'en souviens, j'étais déjà à Anglette, donc au Pays Basque. Et j'étais dans mon jardin et je me dis, bon, bah, tu sais quoi, là, j'attrape ce roman, principalement attiré par sa couverture, donc tu vois, quelque chose de très superficiel, ou par le fait que ce jour-là, c'était le roman qui était sur le dessus de ma grande pile à lire, et je m'installe sur un pouf dans le jardin. Et j'ouvre donc Paresse pour tous, qui est un roman d'anticipation qui rejoue l'élection présidentielle. Qui aurait à l'époque été remporté donc par Émilien Long, un économiste qui ressemble pas mal à Thomas Piketty. Enfin, en tout cas, moi, c'était un petit peu mon référentiel quand je le lisais. Mais dans cette société de Paresse pour tous, c'est un peu l'économiste révéré qui a gagné un prix, qui est très respecté et qui se lance dans l'écriture d'un long livre sur la paresse pour faire la promotion de la réduction du temps de travail. Et en fait, ce personnage, cet économiste hétérodoxe un peu farfelu, se retrouve projeté à la tête d'un nouveau parti et gagne les élections présidentielles sur le programme Paresse pour tous, donc la semaine de 15 heures de travail. Donc ça m'avait fait un bol d'air. Je me souviens, le livre, je ne l'avais pas posé. J'avais ouvert, je l'avais lu en une traite et moi-même, à la fin, je m'étais pincé, vu que je fais beaucoup de siestes, bien sûr, pour savoir si je n'avais pas imaginé l'existence de ce roman, en plus qui est écrit sous pseudonyme. Donc je me suis dit, là, typiquement, c'était quelqu'un qui n'existe pas. D'ailleurs, anecdote un petit peu marrante, plusieurs fois, des gens sont venus me voir et pensaient que c'était moi qui avais écrit les romans. J'en étais sûr. Ils pensaient que c'était moi, Adrien Clent. Alors, je confirme de manière tout à fait publique, ce n'est pas moi. Je n'ai aucune capacité à écrire des romans. Il y a bien une véritable personne derrière Adrien Clent que j'ai moi-même rencontré et qui est un penseur absolument brillant. Donc, je vais vous lire une petite partie, un petit passage de ce livre, si ça te va. Oui, bien sûr. Mais t'imagines, n'empêche, la puissance de ce twist. On aurait été un peu, tu sais, comme dans ce film avec Edward Norton et Brad Pitt, Fight Club, où on se rend compte qu'en fait, Timothée Parrin a une scission de son identité. Et il est chercheur de jour et auteur et écrivain la nuit. Ça serait adoré. Moi aussi, j'étais complètement dégoûté quand je me suis retrouvé confronté à la réalité où non, je n'écris que des livres d'économie. Mais bon, c'est bien. J'étais content d'avoir découvert quelqu'un avec qui j'étais tant en phase intellectuellement. Donc, c'est comme ça qu'on se divise le travail. Moi, je fais les ouvrages théoriques et Adrien Clent les transforme en romans. Et pour l'instant, ça marche très, très bien. Thank you. Au printemps 2020, comme la moitié de l'humanité, j'ai été confiné, comme enfermé chez moi, assigné à résidence, et j'ai profité de cette réclusion imposée pour écrire ce livre, pour relancer cette passionnante notion du droit à la paresse inventée par mon illustre prédécesseur. La paresse, ce n'est ni la flemme, ni la mollesse, ni la dépression. La paresse, c'est tout autre chose. C'est se construire sa propre vie, son propre rythme, son rapport au temps, ne plus le subir. La paresse au XXIe siècle, c'est avoir du temps pour s'occuper de soi, des autres, de la planète. C'est se préoccuper enfin des choses essentielles à la bonne marche d'une société. C'est renoncer à l'individualisme, à l'égoïsme, à la destruction méthodique de notre planète. C'est ouvrir un espace, des espaces. C'est se poser, et même se reposer, se poser à nouveau, chaque jour, la question de ce qu'on est, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on doit faire. Ne plus être un robot allant travailler, s'usant la semaine pour dépenser son fric une fois le week-end venu, en drogue de toutes sortes, numérique, chimique, matériel, culturel, peu importe, ce sont autant de misérables voyages consuméristes. On ne rattrape rien en dépensant l'argent qu'on a gagné en étant privé de sa vie. C'est déjà trop tard. On n'a qu'une vie. Celle que vous êtes en train de vivre, là, aujourd'hui, maintenant. Ce n'est pas un brouillon, ce n'est pas une esquisse. C'est votre vie. Vous ne pouvez pas perdre votre temps pour la gagner. Il est temps de la vivre. C'est le sens de cet essai. D'abord, de raconter l'histoire de la paresse, c'est-à-dire du temps libre. Et l'histoire du travail, tout au long de l'histoire. Et ensuite, de prouver, je veux dire d'apporter une preuve réelle, avec des données chiffrées. Une partie du contenu scientifique de mes recherches est publiée en annexe. Ceux des lecteurs qui veulent aller plus loin dans la démonstration pourront s'y référer. Qu'il est possible en France d'arriver, comme le proposait Paul Lafargue il y a 140 ans, à une journée de travail de 3 heures. Citation, « Le travail ne deviendra un condiment du plaisir de la paresse, un exercice bienfaisant à l'organisme humain, une passion utile à l'organisme social que lorsqu'il sera sagement réglementé et limité à maximum de 3 heures par jour. » Fin de la citation. Ces 3 heures par jour, soit 15 heures par semaine, je démontrerai qu'il est tout à fait possible de les choisir comme durée légale du travail. 3 heures de travail, dit capitaliste ou productif, selon que l'on travaille dans le secteur privé ou public par jour, et pas plus. Le reste du temps, c'est pour la vie. Par toute une série de dispositifs de transfert de taxes, de limitation des salaires et de remise à plat de l'ensemble du dispositif de financement de la protection sociale, je prouverai qu'il est possible de changer radicalement les pratiques du temps de travail dans notre pays sans nuire ni à sa compétitivité, ni à sa protection sociale, tout en préservant, voire en renforçant, le triptyque de notre devise qui semble aujourd'hui plus que jamais d'actualité. La liberté, l'égalité, la fraternité. À ces trois termes essentiels, j'en ajoute donc un quatrième, et soudain, la devise de la République française semble encore plus parfaite. Liberté, égalité, fraternité, paresse. C'était la lecture parfaite, merci Timothée. On est en 2030 glorieuse. Les 2030 glorieuses, c'est pas une bulle justement parfaite où tout serait résolu. Les 2030 glorieuses, ça commence peut-être en 2029, peut-être en 2032. D'ailleurs, peut-être que là, dans la conversation qu'on va avoir dans les minutes à venir, on sera en 2037 ou en 2042. Tu peux le dire, tu peux aussi le garder pour toi, peu importe. En gros, les 2030 glorieuses, c'est une époque où enfin on sent que l'humanité est rentrée à l'âge adulte, dans son âge adulte, de responsabilité, d'empuissantement, de compréhension aussi des limites et de la nécessité justement de faire preuve d'humilité vis-à-vis de tout ce qui était en train de se passer, avec forcément tout un tas d'actions au service du vivant, mais aussi la compréhension que parfois la meilleure action, c'était la non-action. On va en parler au présent, Timothée, de ces 2030 glorieuses. C'est un exercice pas forcément facile à faire, mais je suis sûr qu'ensemble, on va y arriver. Et donc, si tu parles au futur, tu parles des 2040, 2050 glorieuses. Si tu parles de 2026 à l'époque, quand on avait eu cette interview, on en parle au passé. Et on évite le conditionnel, s'il te plaît. On va essayer de les raconter avec le maximum de détails, de couleurs, d'odeurs. Ça va vraiment aider les gens qui nous écoutent à être avec nous, comme s'ils étaient sur notre épaule. Est-ce que tu es OK avec ça, Timothée? Et si oui, est-ce que tu peux répondre à ma première question qui est de dire, bah allez, je ne sais pas où tu es, toi, en 2030 glorieuse, je ne sais pas si tu as une fenêtre, mais si jamais tu devais regarder par cette fenêtre, qu'est-ce que tu verrais dehors en 2030 glorieuse, Timothée? Alors là, je suis au Pays Basque, dans une coopérative d'habitat. C'était une ancienne résidence de luxe, avec principalement des résidences secondaires pour de riches Parisiens qui venaient se prélasser à la plage 2 semaines par an, qui a été collectivisée, transformée en commun, donc dans les années 2020 à l'époque, et qui aujourd'hui est gérée sous la forme d'une coopérative d'habitat à but non lucratif, partagée par une trentaine de petites familles. Et donc là, quand j'ouvre la fenêtre, qu'est-ce que je vois? Je vois une partie du parking qui n'est plus un parking. Je me souviens du parking car j'ai les photos de l'époque où le bâtiment a été construit, mais aujourd'hui, tout ce parking a été débétonné pour devenir des jardins partagés. Donc la coopérative d'habitat aujourd'hui, elle est presque autosuffisante en nourriture. C'est aussi, elle héberge et co-responsable d'un grand nombre d'espèces qui vivent dans la coopérative d'habitat, qui sont recensées chaque année, qui sont nommées et qui sont d'ailleurs représentées dans les assemblées de copropriété où nous avons donc des sociétaires qui, à tour de rôle, viennent impersonnifier la nature. Alors là, bien sûr, à l'époque où la nature n'était nulle part, ça paraissait complètement farfelu, on s'attendrait à voir ça dans un théâtre. Mais aujourd'hui, dans les années 2030, c'est quand même quelque chose d'assez commun dans les processus démocratiques de toujours avoir cette espèce de multisociétariat où des parties prenantes sont des humains qui, le temps d'une discussion, d'un dialogue, impersonnifient les intérêts du monde du vivant dans son ensemble. J'avais reçu à l'époque dans le podcast de 2030 Glorieuses Thomas Brozard qui me racontait comment avec Narcisse ils avaient fait rentrer la nature dans leur CA d'ailleurs, donc ça me fait penser à ça, je fais un lien avec d'autres épisodes. Je sais pas si toi t'y vas demain, Timothée, on fête les 5 ans de la fin du PIB un peu partout en France. Je voulais savoir ce que ça avait changé pour toi et ce que ça avait changé pour notre pays d'avoir abandonné ce PIB. Oui, bien sûr, j'y vais. Je la rate pas. Enfin, c'est vraiment l'une de mes fêtes nationales préférées. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a, sachant que le nombre de jours de vacances publiques a été multiplié par 2 en l'espace d'une décennie à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on pouvait rediriger les gains de productivité vers une libération de temps libre plutôt qu'une augmentation de la consommation. Donc à partir du moment où on a réussi à s'organiser collectivement pour simplifier les besoins, on s'est rendu compte que dès qu'on arrivait à produire quelque chose de manière plus efficace, on pouvait se permettre d'avoir plus de vacances. Et on s'est rendu compte qu'aussi d'avoir des jours de vacances collectifs, c'était vachement fun. Et donc au lieu d'avoir des jours principalement religieux, on les a renommés. Il y a eu des grandes conventions citoyennes des vacances pour renommer toute une nouvelle identité. Il y a beaucoup de jours de vacances aussi qui ont une identité régionale. Il y a même des jours de vacances movibles qui sont basés sur la météo, ce qu'on appelle des jours de soleil. Alors là, on ne s'est pas trop décarcassé sur le nom, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Quand il fait vraiment très très beau, ou aux arrivées du printemps et de l'été, il y a des jours qui sont auto-déclarés un petit peu en avance comme des jours de vacances et de célébration. Le carnaval du PIB, je dis carnaval parce qu'on a gardé cette bonne vieille tradition de brûler donc une espèce de figure, un grand tableau Excel qui représente le PIB de l'époque. Donc cette bonne vieille époque où on sacrifiait à la fois une grande partie de notre temps et une grande partie de notre nature pour voir s'accumuler des décimales dans un tableau Excel. Donc ça nous paraît archaïque aujourd'hui, mais c'était un moment de libération. Un moment de libération où on a décidé en fait d'oublier la recette du PIB qui était devenue plus qu'un indicateur. Le PIB, à l'époque, dans les années 2020, et je me souviens de l'époque du Covid, qui est un élément marqueur, où c'était un petit peu le seul moment où on a été contraint de mettre notre économie à l'arrêt, bah, les économistes, ils étaient en PLS. Parce que ce qui les inquiétait, c'était pas la santé publique, c'était pas la santé écologique, ce qui les intéressait, c'était justement le PIB. Ah zut! Le PIB, non seulement il n'allait pas croître, mais il s'était mis à baisser. Et donc, c'est un très bon exemple qui montrait l'économisme de l'époque, donc cette façon d'appréhender la réalité et d'être toujours stressé du PIB. C'était des obsédés du PIB, en gros. Et donc là, quand on a détruit la recette du PIB, d'une certaine manière, qui existe toujours, alors ça j'adore, on a gardé la recette du PIB qui est exposée dans des coffres-forts dans les musées d'économie. Alors bien sûr, tout le monde est libre d'aller la consulter, mais c'est marrant, ils les mettent dans des coffres-forts et on y entre à travers deux portes pour vraiment montrer historiquement la dangerosité d'ériger un indicateur financier comme maître prisme de l'organisation sociale. Donc ça, c'est un petit peu drôle. Et à partir du moment où on l'a supprimé, on a dû se poser en fait la question première de toute science économique, quoi produire et comment et pourquoi? De quoi avons-nous vraiment besoin? Une question qu'on avait arrêté de se poser depuis presque les années 1950, donc l'internationalisation du PIB dans la plupart des pays, et définitivement depuis les années 80, donc la montée en puissance de ce que certains appelaient l'hégémonie de la croissance, où le but, la croissance économique, en fait, était devenu un but consensuel, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit dans un pays pauvre ou qu'on soit dans un pays riche. Sans PIB, on avait perdu notre boussole, et donc on a dû se demander de quoi avons-nous vraiment besoin, et ça a vraiment kickstarté ce que j'ai appelé précédemment la simplification des besoins, parce qu'on s'est rendu compte qu'énormément de trucs qui participaient au PIB, ben en fait, on n'en avait pas besoin. Donc, par exemple, toute l'activité autour les agences immobilières. On s'est rendu compte qu'en fait, l'agence immobilière était un travail, ce que l'anthropologue David Graeber appelait dans les années 2010 un bullshit job. C'était quelque chose qui n'est absolument pas nécessaire. Vu que j'ai fait référence au parking, alors ça, il faut faire un petit effort d'imagination, mais dans les années 2020, dans les livres les plus vendus en économie, c'était des livres sur comment s'enrichir sur les parkings. Mmh. Pour faire un petit peu de l'investissement locatif, mais vu que l'investissement locatif, ça rapportait pas assez, parce qu'on commençait quand même à attribuer des droits aux locataires, et bah les parkings, on s'est dit c'était bien, là on pouvait s'enrichir de manière un petit peu plus radicale. Donc, à un moment donné où en fait le climat se réchauffait, où la biodiversité est en train doucement de s'éteindre, eh ben on relançait de l'activité pour s'enrichir, pour qu'une minorité puisse s'enrichir sur des parkings. Donc voilà un petit peu les absurdités anthropologiques qu'on faisait à l'époque quand on écoutait les sirènes du PIB. Timothée, on est en train de se parler. Pas de chemise à carreaux, pas de salopette en jean, pas de roulotte. Tu te souviens de notre ancien président Emmanuel Macron qui aujourd'hui fait partie de ces jugés climatiques qui font des travaux d'intérêt généraux, mais qui nous promettait d'être des amis si on suivait les voies de la décroissance. En fait, il s'est complètement trompé et la décroissance, c'était pas une fin, mais un moyen, une porte qu'on ouvrait vers de nouvelles croissances. Moi, je pense à la croissance de la justice, la croissance de la contemplation, de la solidarité. Toi, quelle est la croissance dont tu es le plus fier? Quelle est la croissance qui était la plus chère en 2030 glorieuse? Alors moi, c'est vrai que je suis toujours, comme je l'étais à l'époque, chercheur et donc dévoué à la création de connaissances scientifiques, sauf que à l'époque, dans un système capitaliste, en fait, on était très limité parce que déjà, on était très peu de chercheurs, il fallait faire des études très longues et donc c'était quelque chose d'assez technocratique, assez élitiste. Et ensuite, parce que la connaissance elle-même était marchandisée, on ne pouvait publier que des livres dans des maisons d'édition qui étaient très souvent possédées par des milliardaires et des entreprises, les journaux académiques étaient aussi possédés par des multinationales, et donc là, on avait un processus de marchandisation de la connaissance qui limitait la croissance, entre guillemets, c'est-à-dire le développement, ou plutôt même la prospérité de la connaissance scientifique. Donc c'était quelque chose vraiment qui, c'était des chaînes sur l'avancement des connaissances humaines qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, énormément de personnes, là par exemple, un comité, plusieurs voisines qui se sont lancées qui ont déménagé il y a quelques années, qui se sont lancés dans une nouvelle coopérative d'Avita, ont décidé en fait de publier un article scientifique, une ethnographie du lancement de cette nouvelle coopérative d'Avita, qui a pu être publiée dans un journal open source, c'est-à-dire accessible à toutes, qui est très utile pour toutes les personnes sur le territoire et à l'international qui vont se lancer dans une coopérative d'habitat. Donc, on a généré énormément de connaissances en ouvrant, en fait, en incluant de plus en plus de personnes, en leur permettant de faire de la recherche scientifique. Et ça, c'est permis par deux choses. C'est permis aussi par la libération de temps libre. Pour faire de la recherche, il faut du temps. Et si les gens travaillent déjà 50 heures par semaine, comme c'était le cas à l'époque, ou 40, dans les années 2020, c'est pas du tout possible. Aujourd'hui, vu qu'on a une semaine de travail, quand on parle d'emploi, on va dire salarié, d'environ une quinzaine d'heures, ça laisse quand même beaucoup de gens. Donc là, beaucoup de temps libre. La plupart des gens peuvent prendre un jour par semaine pour philosopher, pour faire de la recherche. Et donc, on développe des concepts pas possibles. Donc la science va beaucoup plus vite et elle se propage aussi beaucoup plus vite parce qu'elle n'est pas capturée tout de suite par des multinationales qui la marchandisent. Oui, d'ailleurs, toi, je t'entends là un peu, j'ai l'impression que tu es complètement pour le fait, là, comme le proposait ce député, de faire entrer le droit au temps libéré dans la Constitution. Hein. Oui, je pense que ça devrait être vraiment l'objectif premier de l'organisation économique. Une économie, ça sert à économiser des ressources. En fait, on s'organise collectivement pour faire quelque chose de manière plus efficace que si je le faisais tout seul. Par exemple, là maintenant, si je me dis j'aimerais bien avoir un micro pour faire des podcasts et je me lance dans la manufacture d'un micro tout seul, je pense que ça va me passer une vie, genre juste pour obtenir les connaissances, aller extraire les métaux et faire ça. Donc non, on s'organise collectivement. Mais économiser, ça veut dire qu'une économie, au fil des années, elle va parvenir à satisfaire les besoins de sa communauté avec de moins en moins de ressources humaines, c'est-à-dire du travail, et de moins en moins de ressources naturelles. Et donc, c'est normal quand on compare deux économies, et c'est d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu le débat des élections régionales. Bon, il n'y a plus d'élections présidentielles depuis plusieurs années, mais il y a encore des élections régionales au sein des biorégions françaises. Et justement, la plupart des partis se font compétition sur leur capacité à réduire le temps de travail. Donc de dire, moi, je vais pouvoir augmenter la sieste. Là, on nous promet, je ne sais pas si tu as vu la candidate de la biorégion du Pays Basque Nord, qui nous promet un doublement du temps de sieste quotidien, alors que d'autres partis sont plus conservateurs et pensent qu'on pourrait l'augmenter de quelques minutes ou la stabiliser. Et bien sûr, il y a des franges radicales qui sont pour la réduction du temps de sieste quotidien, mais bon, ça reste quand même des partis minoritaires. Tu sais, moi, Timothée, je suis d'origine espagnole, donc mon temps de sieste, il est obligatoire depuis des années et des années. Mais ça, c'est une bonne chose. Et justement, la révolte de la sieste de la fin des années 2020 est venue des cultures espagnoles qui ont réclamé en fait un droit culturel de sieste qui faisait partie de leur identité. Et il y a eu un grand procès devant la Cour suprême espagnole, menée par une coalition en fait de travailleurs et de travailleuses qui, à l'époque, avaient érigé ce droit à la sieste en fait comme un patrimoine culturel espagnol. Ils ont eu gain de cause et donc l'Espagne a été le premier pays à inclure dans sa constitution un droit à la paresse. Donc ils avaient repris ce terme droit à la paresse qui était dans les théories un petit peu du post-travail, de l'anarchisme, marxisme, du féminisme, en fait un symbole, la paresse pas comme juste de l'indolence, mais la paresse comme une réappropriation d'un temps libre et d'un temps auto-organisé. Une fois que l'Espagne l'a fait, ça a vite transvasé sur la partie du Pays Basque français déjà, et ensuite sur la France et beaucoup d'autres pays. Et aujourd'hui, c'est la norme. Il n'y a que quelques pays au monde qu'on considère aujourd'hui comme des dictatures temporelles qui n'ont pas de droit à la paresse dans leur constitution. Tu te disais encore chercheur en 2030 Glorieuse, Timothée. Moi, je t'imaginais plutôt reporter du post-capitalisme en germe, en expérimentation, avec tout ce que ça voulait dire d'appropriation territorialisée. Qu'est-ce que tu fais vraiment, toi, en 2030 Glorieuse ? Bah alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on parle dans les recherches, le terme, c'est le post-capitaliste. Donc, on est au triple niveau. Et en fait, le progrès ne s'arrête jamais. Hein. Dans les années 2020, je m'en souviens, quand on débattait, surtout quand on avait ce moment de la convention citoyenne sur le climat et ces espèces de réflexions autour du monde d'après. Souvent, chaque génération a l'impression qu'on va avoir un système alternatif et en fait, la société va s'arrêter là. En fait, ce n'est pas du tout ça. La société, elle est tout le temps en mouvement. Et donc, nous, autres chercheurs et chercheuses qui essayons de deviner un petit peu les mouvements économiques possibles, eh ben, on cherche toujours des alternatives au présent. Même si aujourd'hui, bah, le présent, il est beaucoup plus satisfaisant, c'est pas un présent qui est statique, il y a des conflits, comme il y en a toujours eu dans les sociétés humaines, même si ces conflits ont beaucoup moins tendance à se traduire en opposition armée et en conflits violents, il y a toujours des désaccords, et donc on cherche toujours des manières, en fait, d'améliorer l'organisation économique. Et donc c'est un travail à la fois d'anticipation, donc de sociologie spéculative, ou encore on se projette dans l'avenir pour se demander ben voilà, de quoi l'avenir est fait. Et bien sûr, il y a un travail un petit peu de reporter du présent, où à l'époque, en 2020, c'était beaucoup sur des théories critiques. Moi, je me souviens, en 2018, si ma mémoire est bonne, j'avais utilisé un des chapitres de ma thèse pour publier un rapport qui s'appelait « Le découplage démystifié, Decoupling Debunked ». Et ça, en fait, moi, c'est comme ça que je suis devenu connu à travers mes travaux sur la démonstration de l'impossibilité de la croissance verte. Donc à l'époque, 80% de mes travaux, c'était de la critique du présent. Bah, aujourd'hui, on va dire que ces 20% de mes travaux, c'est sur la critique du présent, et il y a le reste, c'est plutôt sur mieux comprendre des choses qui fonctionnent déjà assez bien, et spéculer, essayer de trouver des manières de les améliorer encore. On va revenir petit à petit, si tu veux bien, Timothée, en 2026. Et j'aimerais qu'on tende des perches à celles et ceux qui nous ont écoutés pour aller vers les 2030 glorieuses qu'on a racontées pendant les 20 minutes qui viennent de passer. J'ai deux dernières questions pour toi. La première, c'est pour toutes les personnes qui aimeraient bien un peu proactivement déconstruire leurs biais, leurs croyances. Toi, tu parlais d'économisme. Comment on fait? Comment on s'y prend? Par quoi on doit passer? Alors, il y a que le philosophe Cornelius Castoriadis, qui est l'une des figures marquantes de la décroissance à la française, disait que c'était à travers un double mécanisme. Donc, comment est-ce qu'on acquiert ce qu'il appelait, lui, l'autonomie radicale, ce qui est un mix, en fait, entre la pensée critique individuelle et la capacité démocratique collective? On avait besoin de faire une thérapie et de s'organiser démocratiquement. Et donc, alors, je pense pour arriver à mieux comprendre comment on pense et faire la différence entre ce qui est véritablement autonome, donc du point de vue existentialiste, ce qui vient véritablement de moi, et ce qui vient de l'extérieur, ce qui n'est pas autonome mais hétéronome, disait Castoriadis, ça demande un travail d'introspection, qui n'est pas forcément un travail individuel de « je m'assois sur une chaise et je philosophe à la Socrate ». Ça peut être un travail de discussion, enfin des choses que des sociétés depuis des temps, enfin depuis le début des sociétés, fait de manière collective. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de faire ce que Serge Latouche appelle la décolonisation de l'imaginaire. Donc c'est ça, c'est une belle formule de dire « on a un imaginaire » qui a été colonisé par certaines valeurs, notamment des valeurs financières, des valeurs productivistes, des valeurs utilitaristes, des valeurs extractivistes, des valeurs sexistes. Et on veut s'en débarrasser. Donc on doit faire la part des choses, c'est-à-dire c'est quoi les valeurs que je veux garder, c'est quoi les valeurs que je veux expulser de mon imaginaire. Ça, c'est sur l'aspect individuel, donc pensée existentielle, pensée critique. Ça demande, je pense, un temps de réflexion. Déjà, il faut mettre du temps de côté. On ne peut pas le faire quand on est coincé à travailler 40 heures par semaine. On n'a pas le temps, c'est pas possible. C'est un temps, en fait, qui a besoin d'être nourri par du contenu, donc des romans, des livres, pour se poser des questions, et un temps aussi d'auto-exploration, d'écriture soi-même, pour essayer de faire la part des choses. Et bien sûr, ce processus, il est accompagné et complémenté par un processus d'organisation collective. Une fois qu'on a décidé un petit peu c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes choses, et bien, il faut qu'on puisse faire communiquer ses valeurs et ses désirs à différents niveaux entre personnes. Et c'est ça, en fait, la démocratie dans sa vision la plus délibérative et participative, c'est des gens qui, eux, savent un petit peu ce qu'ils veulent, mais qui sont prêts à faire des compromis et qui vont décider collectivement, prendre une décision autonome. Donc là aussi, collectivement, ça peut être plus autonome, moins hétéronome. Hein. Si t'es un pays qui est envahi par un autre pays, bon bah là, c'est une décision un peu plus hétéronome. Alors que un pays, un collectif, là, qui va s'organiser sous la forme d'une coopérative de consommateurs et qui va monter son supermarché participatif et qui décide, bah nous, vous savez quoi, on ne veut pas vendre, distribuer, travailler avec des gens des produits qui ne sont pas issus de l'agriculture biologique. Et bah là, en fait, on en discute, on délibère et on prend une décision qui sera donc autonome parce qu'on l'a choisie ensemble et vu qu'on l'a choisie ensemble, et ben on va la respecter parce qu'elle émane de nous-mêmes, elle n'est pas imposée de l'extérieur. Donc c'est ça pour moi dont on a besoin aujourd'hui, on a besoin de cercles de participation et de délibération qu'on n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas faire tes courses, et ben on t'impose un choix, t'as pas le choix de quoi acheter. Sauf dans les supermarchés coopératifs. De quoi ? Sauf dans les supermarchés coopératifs, tu sais, à un moment, il y avait la Louve à Paris à laquelle je contribuais et ça s'est un peu essaimé, c'est encore à la marge, mais il y a ce mécanisme-là qui marche bien. Et pareil pour les décisions politiques, j'ai pas l'impression que... les budgets participatifs, par exemple, qui est un dispositif très intéressant de se dire, le budget d'une municipalité qui représente la capacité d'agir, le pouvoir d'agir d'une municipalité, de se dire une proportion de ce budget, il va être ouvert à la délibération de toutes les usagers de cette municipalité qui vont pouvoir soumettre des projets, débattre. Et là, on voit, on crée un espace d'autodétermination où on va pouvoir exprimer et construire une autonomie collective. Et c'est en créant toutes ces petites poches, en fait, de démocratie participative et délibérative, toutes ces poches, en fait, d'autonomie, de gouvernance horizontale, d'autogestion, qu'on arrive un petit peu à muscler notre démocratie et à prévenir, en fait, des colonisations futures de l'imaginaire collectif. Parce que le jour où il y a quelqu'un qui va essayer de faire de la publicité de manière un petit peu vénère ou d'installer un peu trop d'accaparer un lieu, un espace commercial pour ouvrir une agence immobilière, les gens, ils vont dire, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, tu vas te retrouver avec 95% des gens qui pensent que c'est une mauvaise idée et on prendra une décision collective pour faire en sorte que ça ne se passe pas. Alors qu'aujourd'hui, si tu es juste un centillionnaire et que tu as l'argent pour ouvrir des agences immobilières, tu achètes les espaces commerciaux et tu fais ce que tu as envie parce que c'est la liberté d'entreprendre. Mais cette liberté d'entreprendre, c'est une source d'hétéronomie pour les 95% des gens qui vont pâtir de l'existence de ces agences immobilières. On a besoin de lui dire au revoir à ce vieux monde-là. Et donc, j'ai envie de qu'on fasse son testament. Qu'est-ce que toi, tu lui rends au vieux monde? Et peut-être que ça peut être une manière aussi de suggérer à celles et ceux qui nous écoutent de faire la même chose. On va dire que ça a été une belle erreur historique. On fait toutes les sociétés, on fait tous des erreurs. Et ce qui est important, c'est pour le progrès dans son appellation la plus fondamentale, en fait, c'est d'apprendre de ses erreurs et pas de se retrouver coincé dans les sables mouvants de l'histoire, en fait, où l'histoire se répète et on retombe constamment dans les mêmes erreurs. Donc, c'est fondamental de se souvenir, en fait, de cette période que les scientifiques appellent la grande accélération. Donc, cette période du XXe siècle, de sous-estimation de l'importance de la nature qui nous a amené à une je sais pas comment on dit en français, mais une near death experience. Tu vois, ces moments où tu t'es presque mort, ton cœur s'arrête pendant et après t'es ramené à la vie. Ben là, en fait, on a vécu ça à l'échelle de la biosphère et j'espère que ça doit être un marqueur anthropologique qui, pendant des générations, pendant des siècles, va dire, okay, voilà, ça, il faut plus jamais que ça se passe à la manière de la Seconde Guerre mondiale qui nous a marqué aussi pour d'autres raisons. Et toutes ces expériences, en fait, on doit en tirer des leçons et ces leçons doivent se traduire dans des mécanismes de protection. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2030 glorieuse, avec l'existence d'un droit véritable de l'environnement, pas seulement un droit de l'environnement, mais des droits à la nature, une loi contre l'écocide, la représentation des entités naturelles dans des mécanismes de gouvernance au sein des organisations publiques et privées. Enfin, ça, c'est un véritable garde-fou pour éviter de reproduire le presque écocide du début du XXIe siècle. Merci Timothée.